Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Inflation par les coûts, crise du logement, de moins en moins d'offres d'emploi, de plus en plus de mendiants. Travailler pour vivre ou vivre pour travailler. Dans nos foyers, la population n'arrête pas de batailler pour survivre. Continuer à exister, résister aux actions de l'État, Nicolas Sarkozy, son autorité. Dans l'austérité, demeure toutefois dans nos cœurs. Encore une heure d'espoir, trouver ce chemin qui nous mène à la prospérité. Transmettre ce vécu à la postérité. La vie est dure, la vie est dure, la vie est dure, la vie est dure. La vie est dure, la vie est dure, la vie est dure. La vie est dure, la vie est dure, on n'a rien sans. L'enfance, l'insouciance, l'adolescence, l'inconscience, réminiscence enlacée. Avec mes pensées seules, devant ma feuille, me souviens de ces années, de cette époque où, pour la plupart d'entre nous, tout n'était que paix, amour et unité malgré tout. Depuis, le vent a tourné, les gens, les mentalités ont changé, en danger, la planète polluée. Par les médias, l'État nous marche dessus. Un jour on vit, un jour on pleure, un jour on rit, un jour on meurt. Un jour j'écris dans la douleur ce que je ressens en réalité. Beaucoup de haine, beaucoup de peine à constater qu'on a plus de respect pour les animaux que pour soi-même. La vie est dure, la vie est dure, la vie est dure, la vie est dure. La vie est dure, la vie est dure, la vie est dure. La vie est dure, la vie est dure, on n'a rien sans rien.